les infos, c'est avec François Poulet. Bonjour. Bonjour à tous. On débute ce journal avec un mot de la météo de ce vendredi 7 décembre. La nuit était encore très douce avec des faibles pluies au nord, puis arrivée par l'ouest d'une nouvelle perturbation qui atteint l'est avant la mi-journée. Des rafales de vent jusqu'à 90 km/h. Et pour les températures, comptez ce matin de 10 à 13 degrés. Ce seront les maximales pour ce vendredi. Temps instable pour cet après-midi et risque d'ondées localement orageuses avec un vent soutenu et des fortes rafales et des températures en baisse donc avec les minimales entre 6 et 9 degrés cet après-midi. Notre samedi ensuite sera pluvieux avec des éclaircies à l'ouest. Un mercure entre 7 et 13 degrés, le plus doux sur le Cotentin. Pluie enfin dimanche matin, mais à une après-midi sec et un maximum de 12 degrés pour les températures. La semaine prochaine sera plus fraîche. Le réchauffement climatique bénéficierait-il au tourisme en Normandie? Si la nouvelle est bonne pour l'économie locale, elle a de quoi inquiéter sur le plan de l'écologie. Selon l'INSEE, la Normandie est la deuxième région touristique française derrière l'Île-de-France, mais devant la Côte d'Azur. Les fortes chaleurs qui se sont abattues sur le pays ont attiré dans la région les touristes à la recherche de températures plus douces. À quelques jours de Noël, le thermomètre reste étrangement haut en Normandie, entre 3 et 7 degrés au-dessus des normales de saison. Alors si l'on peut se réjouir de ces bons chiffres de fréquentation dans notre région, ils sont aussi à mettre au bénéfice du réchauffement climatique. Une étude de l'INSEE publiée en pleine COP24 et alors que le gouvernement vient d'abandonner la hausse de taxes sur le carburant qui devait financer la transition énergétique. Le jour J approche pour le Téléthon. Partout en France ce week-end, des bénévoles se mobilisent pour collecter des fonds pour la recherche contre les maladies génétiques. Des bénévoles qui s'activent pour que tout soit prêt. Près de 600 animations sont prévues en Normandie à partir de ce vendredi soir. Toutes les animations du Téléthon 2018 en Normandie et ailleurs sont à retrouver sur le site du Téléthon. L'édition 2017 avait permis de récolter 89 millions d'euros pour la recherche sur les maladies rares. Un chiffre déjà en baisse par rapport à 2016. Déclin en partie attribué à la concomitance avec le hommage populaire à Johnny Hallyday, lui aussi retransmis en direct. En l'absence de l'ancien maire Franck Martin, c'est Jacky Vassard qui a assuré le spectacle lors du dernier conseil municipal de Louviers lundi. Avec sa gouaille habituelle, l'unique représentant du Rassemblement National a fait des pieds et des mains pour faire adopter une motion de soutien aux Gilets jaunes. Face au refus du maire François-Xavier Priolo du Modem de bousculer l'ordre du jour, l'élu de l'opposition a tenté plusieurs fois de prendre la parole et réussi à lire cette motion finalement débattue en fin de séance. Le maire a refusé qu'elle fasse l'objet d'un vote. J'ai rencontré les Gilets jaunes sur le marché samedi. Ils ont besoin de reconnaissance, de pouvoir d'achat, pas de récupération de leurs actes. Voter une motion, c'est ne rien comprendre à leur mouvement, c'est ce qu'il a justifié en substance. Auparavant, l'Assemblée communale a fait le point sur le lancement des festivités de fin d'année, la convention cœur de ville, la rénovation des quartiers, les subventions d'attractivité commerciale accordées à 7 commerçants, le choix de l'architecte pour le futur groupe scolaire Jules Ferry ou encore les travaux pour l'accès au collège du Hamlet. Dans les dernières délibérations, François-Xavier Priolo a proposé que la police municipale soit prochainement dotée d'armes de poing de catégorie B, en l'occurrence des pistolets automatiques, et ceci pour assurer leur propre sécurité. C'est ce qu'il a tout de suite déclaré. Sa proposition a été adoptée contre les voix de l'opposition, sauf celle de Jacky Vassard. Le prochain conseil municipal de Louviers se tiendra lundi 28 janvier à 18h30. À la suite d'une infraction au code de la route, une automobiliste a été contrôlée par la police alors qu'elle était sous l'emprise de stupéfiants. La jeune femme âgée de 21 ans circulait au volant de sa Twingo la semaine dernière sur le boulevard du 14 juillet à Évreux lorsque deux motards de la formation motocycliste urbaine ont remarqué qu'elle n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité. Interceptée, elle a été trouvée en possession d'un morceau de résine de cannabis, ce qui lui a valu d'être soumise à un test salivaire, lequel s'est révélé positif aux stupéfiants. La conductrice originaire de Guichainville a confié aux policiers avoir fumé un joint la veille. Elle a été placée en garde à vue pour conduite sous stupéfiants et a été verbalisée par ailleurs pour défaut d'assurance. La jeune femme a été laissée libre dans l'attente du résultat des analyses salivaires. Samedi dernier, vers 3h15 du matin, une femme de 48 ans, domiciliée rue de Bellevue à Évreux, a appelé police secours. Elle a déclaré avoir été giflée par son conjoint qui l'a traînée en lui tirant les cheveux lors d'un différend conjugal. Il a également brisé le pare-brise de sa voiture. L'homme âgé de 46 ans était en état d'ivresse lorsque les policiers l'ont interpellé. Placé en garde à vue, il a été remis en liberté après audition. Une convocation devant le procureur de la République pour le 19 février prochain lui a été remise. Et puis en basket, l'ailier américain Alex Hacker et l'intérieur congolais Bembal Osbi ont rejoint le club hébroïcien en attendant le retour des blessés suite aux blessures du pivot congolais Rufin Kayembe, du meneur et capitaine de l'équipe Théo Léon et à la fin de la pige médicale de Jared Newson. Les dirigeants de l'ALM Évreux étaient donc à la recherche de deux joueurs. C'est désormais chose faite. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très belle fin de nuit, très belle journée à l'écoute de Cristal.

Oh, she loves to fight, but she's never been loved. She's never been loved. Smell of you in every single dream I dream. I knew when we collided,

ma rengaine. Elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Papaya. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, you're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch feels. Don't be afraid to catch these feels. Ça va et que vous avez bien dormi, on est vendredi et ce soir c'est le week-end pour la plupart d'entre vous. Bon courage pour cette dernière grosse journée, un week-end assez spécial qui se prépare. Beaucoup de manifestations gilets jaunes sont prévues. Il y a le Téléthon qui démarre aussi dès cet après-midi en Normandie pour deux jours. On va en reparler, ne vous inquiétez pas dans les prochaines minutes. Il est bientôt 6h, bon réveil et courage si vous bossez déjà. On va s'écouter le tout nouveau David Hallyday qui écrit un message tout particulier pour son papa. Et puis votre actu et météo arrive aussi. Mais d'abord je laisse la place à Alexandra pour l'horoscope. Salut Alex. Bonjour à tous, bon vendredi. Nous sommes le 7 décembre. L'horoscope des béliers, un nouvel amour, une nouvelle rencontre s'installe dans votre quotidien sans en avoir l'air et ça vous fait du bien. Taureau, il est difficile de trouver une entente à la maison et vous avez l'impression de perdre du temps. Gémeaux, vous n'avez pas votre langue dans la poche et donnez votre avis sur tout et n'importe quoi. Cancer, vous êtes surbooké en attendant le week-end, mais vous adorez travailler en urgence. Lion, les personnes qui vous entourent sont là pour vous et vous le montrent bien chaque jour. Vierge, vous avez décidé de remettre quelques pendules à l'heure et soumettre de nouvelles idées pour votre couple. Balance, c'est pas vraiment votre jour. Les problèmes ou soucis familiaux prendront le pas sur votre vie intime. Scorpion, vif, vous ne vous laisserez pas embobiner par des paroles flatteuses. Sagittaire, le cap est mis sur les bavardages et vous servez d'intermédiaire. On recherche vos conseils. Capricorne, voici une journée sous le signe de la passion et de la tendresse. Ça promet pour le week-end. Verseau, la forme vous accompagne dès le saut du lit jusqu'au soir. Vous aurez envie d'être gourmand. Dans le conflit aujourd'hui, les poissons, évitez de dire des choses que vous regretterez une fois la crise passée.